rentrée des classes, c'est une nuit courte, des enfants nerveux, des parents stressés, le retour de la fatigue, peut-être un peu plus de café ou de thé ou de cigarette qu'à l'accoutumée, et ce matin, en vous brossant les dents comme à chaque rentrée, les gencives qui saignent. Une légère inflammation gingivale, c'est normal, ça arrive à tout le monde. En revanche, quand la situation s'aggrave et tourne à la parodontite, c'est plus inquiétant. D'autant que la bactérie à l'origine de ces infections gingivales se retrouve dans de nombreuses autres affections, allant du diabète aux maladies cardiovasculaires, et est même suspectée d'avoir un lien avec la maladie d'Alzheimer. P. gingivalis, les racines du mal, c'est le programme Mordant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette bactérie et le titre de cette émission qui fait froncer des sourcils mon invité, nous allons donc parler de ces affections parodontales et les liens avec différentes pathologies. Nous avons le plaisir et bien de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes, Martine Bonnor-Mallet. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur des universités en sciences biologiques à l'UFR Odontologie de l'Université de Rennes, praticienne hospitalière, enseignante-chercheuse à l'INSERM et chirurgienne dentiste. Et nous sommes ici en studio à la Maison de la Radio avec Ariane Berdal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyenne de l'UFR d'odontologie, garancière rattachée à l'Université de Paris, également directrice de recherche INSERM au Centre de Recherche des Cordeliers à Paris. Mais avant de plonger dans l'exploration de nos cavités bucco-dentaires, le tour de l'actualité scientifique du jour et du week-end avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, le 28 août, c'était en fin de semaine dernière, LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, a détecté deux signaux pouvant provenir d'un seul et même événement cosmologique. LIGO a détecté deux signaux qui représentaient des coalescences de trous noirs supermassifs, deux signaux dans un intervalle de 21 minutes. Ce qui est assez inhabituel, hein, parce que normalement, il faut attendre 2 jours, parfois 10, pour détecter deux événements. On se demande donc s'il s'agit d'une coïncidence, s'il y a eu dans deux régions différentes, deux couples de trous noirs qui ont fusionné et produit des ondes gravitationnelles. On sait qu'il y a de nombreux trous noirs en coalescence dans l'univers. Mais il y a une autre possibilité. Peut-être que nous avons détecté là un seul événement, mais que le signal s'est découplé sous un effet de lentille gravitationnelle, ou comment la gravité d'un objet massif déforme le chemin de la lumière. Jean-Pierre Lassota est directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. On sait que le trajet de la lumière est détourné dans le voisinage des masses. Donc ça fait un effet de lentille. Donc si il y a une source qui est derrière une galaxie qui a une masse importante, cette déflexion de la lumière donne l'effet d'une lentille et on peut voir 2, 3 ou même 4 objets sur le ciel qui représentent en fait le même objet. Le même effet peut arriver avec les ondes gravitationnelles. C'est peut-être la première fois, ça serait d'ailleurs formidable et sensationnel, la première fois une détection de lentilles gravitationnelles d'ondes gravitationnelles. Le problème, c'est que il y a une chose qui manque, c'est qu'il ne donne pas la forme du signal, ce qu'on appelle la forme d'onde. Et donc, pour savoir si vraiment c'est une lentille, il faudrait que les deux signaux soient identiques. Et donc, il manque une information essentielle. Par contre, on a une autre information, c'est les cartes du ciel qui donnent l'endroit d'où est parti le signal. Dans le cas d'une lentille, ces deux endroits dans le ciel devraient être pas le même, mais dans la même région. Or, les deux cartes donnent des régions du ciel qui sont complètement différentes. Les cartes du ciel suggéraient que ce n'est pas une lentille gravitationnelle. On passe au bref de science. Selon une étude parue dans le Journal of Physical Chemistry, un nanothermomètre à fluorescence mesure la température à l'intérieur d'une cellule. Pour créer ce nanothermomètre, cette équipe américaine a utilisé les propriétés électroluminescentes des molécules appelées BodyP. Quand on les observe au microscope, la durée de la luminescence indique la température à l'intérieur de la cellule et sa viscosité. Plus la température cellulaire sera forte, plus la fluorescence sera brève. Avec cette méthode, les chercheurs espèrent mesurer les effets des traits traitement contre le cancer et identifier la présence de cellules cancéreuses. Leur métabolisme étant plus élevé que les autres cellules, elles seraient susceptibles de générer plus de chaleur. Les chercheurs du MIT viennent de créer un nanorobot capable de se glisser dans les vaisseaux sanguins. C'est un fil robotique qui est constitué d'un alliage de nickel et de titane. Concrètement, ça ressemble à un ver de terre. Il est très flexible et recouvert d'un hydrogel, ce qui lui permet de se glisser sans endommager les parois. Ce prototype n'a pas encore été testé, mais il permettrait de soigner les AVC ou les anévrismes. Il pourrait également atteindre des régions du cerveau plus difficiles d'accès. À terme, l'un des grands enjeux de la chirurgie cérébrale, c'est de pouvoir éviter la chirurgie à crâne ouvert. Et pour finir, les grands requins blancs ont disparu des côtes de l'Afrique du Sud. Dans cette région, il n'y a plus aucun signe de vie de cette espèce depuis maintenant 18 mois. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales ce week-end. Jusqu'en 2016, on relevait encore 250 observations de grands requins blancs. Puis en 2018, seulement 50. On n'explique pas bien cette subite disparition. La pollution et la pêche intensive sont néanmoins des raisons évoquées. Merci beaucoup Natacha, le journal des sciences quotidien que vous pouvez retrouver en podcast, en réécoute, en différé sur le site franceculture.fr ainsi qu'en vous abonnant, et bien comme vous le savez dorénavant, au fil Twitter de la méthode scientifique que vous pouvez suivre en direct pendant chaque émission où nous postons tout au long de l'heure et bien des études, des liens pour compléter l'écoute de l'émission et apporter des informations complémentaires. Il est 16h06, auditrices, auditeurs de la méthode scientifique, vous savez à quel point nous sommes prudents dans le domaine de la recherche sur les maladies neurodégénératives et notamment sur la maladie d'Alzheimer qui ne cesse de produire des essais avortés et qui passe d'impasse en cul-de-sac au grand désespoir des laboratoires pharmaceutiques qui investissent des sommes faramineuses. Avec toutes ces précautions, il y a néanmoins une piste qui semble pour le moment prometteuse, en tout cas qui laisse entrevoir un espoir non pas de traitement immédiat, mais de compréhension des mécanismes qui conduiraient à développer la maladie d'Alzheimer. Une porte d'entrée possible dans un contexte évidemment très multifactoriel. Cette porte d'entrée de la maladie d'Alzheimer, nous vous en avions parlé plusieurs fois à ce micro, mais aussi eh bien peut-être d'autres pathologies, ce pourrait être Porphyromonas gingivalis, la bactérie à l'origine des infections de la sphère parodontale. P. gingivalis, potentiel cheval de Troie d'autres types de pathologies. Cela fait plusieurs années que l'on s'en doute, comme le prouve ce reportage diffusé en l'an 2000 sur TF1. Vous avez bien pris votre traitement antibiotique. À chaque détartrage, cet homme prend des antibiotiques destinés à tuer les bactéries de la plaque dentaire. Car ces bactéries dispersées par le sang dans l'organisme pourraient provoquer d'autres dommages. Par exemple, comme chez cet homme, un accident cardiaque, heureusement bénin, auquel il ne s'attendait pas. On sait qu'il faut soigner les dents, on sait qu'il faut se faire voir périodiquement, mais on ne sait pas, par exemple, que ces bactéries sont dangereuses pour le système cardiaque. Hein. L'accumulation des bactéries entraîne ce qu'on appelle la maladie parodontale, à savoir la destruction osseuse autour des dents. Après le stade de la gingivite, les bactéries passent sous la gencive et détruisent l'os alvéolaire et on voit très nettement sur ces radios que l'os est descendu. On sait que les maladies parodontales peuvent entraîner des répercussions cardiovasculaires, des problèmes bronchopulmonaires, chez la femme enceinte un risque de naissance prématurée et des problèmes d'augmentation de la glycémie chez le diabétique. En dépit de ces répercussions considérables, les soins des maladies parodontales sont malheureusement très mal remboursés par les assurances maladies. Voilà un reportage donc qui a une vingtaine d'années maintenant. Peut-être une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre. Ça fait donc une bonne vingtaine d'années que l'on sait que P. gingivalis peut être à la source d'autres types de pathologies que des pathologies strictement bucco-dentaires, Ariane Berdal. Alors, vous dites 20 années, on pourrait dire 50. Ma mère étant dentiste, donc dans les cadres des pathologies générales, on évoquait déjà ce risque, évidemment d'un point de vue plus empirique qu'aujourd'hui. Donc ce que l'on peut dire, c'est que finalement, sur les dernières décennies, progressivement se précisent les mécanismes, les agents bactériens impliqués. Mais clairement, imaginez qu'il n'y a pas de lien entre pathologies systémiques assez nombreuses, et souvent autour de l'inflammation, et état bucco-dentaire, et d'une naïveté qui laisse un peu pantois le dentiste et le professeur que nous sommes. Martine Bonnor-Malène, réaction à ce reportage et au moment peut-être où on a commencé à faire le lien entre bien ces inflammations et ces infections de la sphère parodontale et d'autres types de pathologies. Oui, tout à fait. De plus en plus, on voit des associations. Mais il faut bien parler d'associations. Ce sont des facteurs de comorbidité, peut-être. Mais il ne faut pas nécessairement se dire « j'ai une pathologie cardiovasculaire parce que j'ai une parodontite ». C'est vraiment des liens. Ce n'est pas prouvé à 100%. On imagine et on comprend bien, et on va essayer de le décrypter au cours du temps que nous avons à passer ensemble. Pourquoi cette bactérie Porphyromonas gingivalis peut être virulente, premièrement au niveau de la cavité buccale et secondairement dans d'autres sites de l'organisme, et évidemment intervenir sur les pathologies qu'on a entendues tout à l'heure, le diabète, les pathologies neurodégénératives comme l'Alzheimer, la grossesse qui n'est pas une pathologie. On va essayer de comprendre que tout ça est lié à un syndrome inflammatoire avec de l'infectieux qui est lié à P. gingivalis, mais pas uniquement. Et vous faites bien de le préciser, hein, on est dans le registre de la corrélation beaucoup, et entre corrélation et cause ou conséquence, eh bien, il y a des pas qui sont des pas beaucoup plus importants qu'on l'imagine à franchir. Donc on va évidemment prendre toutes les précautions, et n'hésitez pas à le rappeler l'une et l'autre pour bien dire que, pour le moment, voilà, pour qu'on comprenne où en est justement la recherche sur cette bactérie. Alors peut-être commençons, si vous le voulez bien, Martine Bonheur-Mallet, par expliquer ce que c'est que cette bactérie, puisque cette bactérie, on l'a tous, tout le monde en a P. gingivalis dans la bouche, mais ce n'est pas forcément pathologique. Absolument. On a tous Porphyromonas gingivalis après la puberté, souvent transmis de façon aérienne et souvent transmis parce que nos aînés en ont. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va avoir une maladie parodontale et bien sûr encore moins une pathologie à distance. Alors qui est Porphyromonas gingivalis? Tout d'abord, on va dire qu'elle appartient à un genre tout à fait particulier qui s'appelle le genre Porphyromonas, et qui a été en fait créé dans les années 1988. Donc vous voyez, somme toute, c'est pas si éloigné que ça. Et surtout, c'est un genre qui était à la fois dans les bactéroïdettes, à la fois dans des bactéries qui ne synthétisent pas le sucre, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment un groupe bien identifié, un genre bien identifié, qui s'appelle Porphyromonas. Et lorsqu'on essaie de comprendre l'étiologie de ce mot, Porphyromonas, porphyro qui vient de couleur pourpre, et monas, unité. Alors pourquoi gingivalis derrière Porphyromonas? Eh bien tout simplement parce que l'habitat de ce Porphyromonas est bien la cavité buccale de l'homme. Et c'est surtout au niveau des gencives, à l'interface entre la dent et la gencive, que Porphyromonas gingivalis va se développer. Alors, on va parler de PG, hein, parce que ce sera ça ira plus vite. Plus on gagnera bien 3 minutes sur l'ensemble du temps de l'émission. Alors, il faut savoir que c'est une bactérie qui est anaérobie, qui donc est donc qui se développe sans air. Voilà. C'est cela, donc anaérobie, asaccharidite, et qui a une croissance très lente. Nous qui la cultivons au laboratoire, on sait qu'elle va pousser dans des atmosphères anaérobies qui vont pas contenir pas plus de 10-15% de dioxyde de carbone, et la majorité, bien sûr, c'est 80 à 90% d'azote, et on met entre 5 et 10% d'hydrogène. Si elle n'a pas ces conditions-là, c'est-à-dire que si je la laisse sur la paillasse, elle ne se développe pas. Cette bactérie, elle a des besoins nutritionnels extrêmement importants. Et pour nous, en culture, par exemple, dans son milieu de culture, on va être obligé de rajouter des extraits de levure, de soja, et quelque chose qui est indispensable, de l'hem. C'est-à-dire que cette bactérie pousse en présence de fer, elle a besoin de l'hème, et on va mettre pour nous du sang de mouton, du sang de cheval, peu importe. Elle a également besoin de vitamine K qu'on va apporter sous forme différente, en particulier de ménadium. La bactérie dans une boîte de culture, lorsque je l'ai sortie d'un congélateur, que je l'ai ensemencée, en souche bien sûr pure, eh bien dans cette ambiance, avec ses nutriments, elle va mettre 6 jours à peu près a formé une colonie. Et cette colonie, on la reconnaît très très facilement. C'est une colonie bombée, lisse, qui va faire à peu près 1 à 2 millimètres de diamètre. C'est une colonie bombée, lisse, et qui est de coloration noire, pourpre à noir. Mmh. Et c'est bien de ce nom que nous avons la dénomination Porphyromonas. Alors ça, ce sont dans des conditions en laboratoire, en culture, en laboratoire. Ariane Berdal, je me retourne vers vous. Du coup, dans la bouche, en milieu in vivo, donc nous en avons tous un petit peu. À quel moment, bien ce que l'on constate en laboratoire, se produit dans la cavité buccale, c'est-à-dire à quel moment Porphyromonas gingivalis se met-elle à se développer et à coloniser la bouche pour aboutir ensuite à des pathologies qu'on va évoquer? Alors la problématique, bien sûr, ce serait le temps zéro idéal que Martine vous a raconté dans une boîte de Pétri. Le temps zéro, c'est la surface dentaire qui a subi un brossage correct. Le problème, c'est que ce temps zéro est difficile. Pourquoi? Parce que l'anatomie des gencives et de la dent sont en fait pratiquement une grotte spéléologique, c'est-à-dire c'est extrêmement complexe. Et c'est d'autant plus complexe que la personne vieillit. Pourquoi? Parce que physiologiquement, vous l'avez tous constaté, le niveau de la gencive et de l'os descend. C'est-à-dire que finalement, la surface de la dent va être de plus en plus découverte. Ou remonte si c'est sur la mâchoire supérieure. Voilà, tout à fait. En tout cas, ça se découvre. Et ça veut dire en fait que vous avez tous vécu ces moments désagréables où entre les dents se logent des débris alimentaires. Donc vous imaginez bien que les biofilms adorent ce genre d'anfractuosité. Mais la brosse à dents et la brossette interdentaire, elles ont du mal à les atteindre. Donc en fait, la problématique, elle est très simple, c'est que l'anatomie de la gencive, l'anatomie donc dentaire qui porte cette gencive, se complexifie avec le temps, au cours du vieillissement, et que donc il faut pratiquement avoir un niveau de brossage, je dirais presque professionnel, pour avoir, comme vous le dites de façon optimiste, suffisamment peu de Porphyromonas gingivalis pour être en situation, je dirais, non pas d'alerte comme on l'a évoqué, il faut être prudent, mais enfin effectivement d'une quantité non négligeable de cette bactérie. Il faut bien aussi ajouter que il va y avoir, comme vous l'avez évoqué, l'état gingival. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se brosser les dents de façon excellente va avoir une gencive en parfait état, et quelqu'un qui est peut-être moins consciencieux, et ça arrive à beaucoup de gens, sachons-le, va avoir dans ces cas-là un phénomène donc inflammatoire. Vous avez bien compris les relations entre les M, donc en fait l'hémorragie et la bactérie dont nous venons de parler. Donc effectivement, une gencive saine est un événement aussi qui existe, mais qui est quand même d'un entretien en fait quotidien extrêmement difficile. Veuillez nous en excuser, il faudrait presque avoir un dentiste à la maison. Adopter un dentiste. Adopter un dentiste.com. pour revenir donc du coup au développement et au moment où ces colonies commencent à se développer dans la cavité buccale, Martine Bonnor Malais, c'est-à-dire qu'il suffit que de ne pas se laver les dents, ça vient tout seul. C'est-à-dire que si j'arrête de me laver les dents, au bout de 24-48 heures, j'ai une colonie de PG dans la bouche et je commence à développer des symptômes de gingivite. Donc, tout d'abord, vous n'avez pas une colonie de PG dans la bouche, vous avez une colonie de bactéries. Nous avons tous des bactéries dans la cavité buccale, heureusement. Ces bactéries sont diverses. On a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, on ne va pas rester comme ça juste sur Porphyromonas, on a à peu près, chacun d'entre nous, on a à peu près 150 à 200 espèces bactériennes différentes. Et celles-ci, elles vivent en communauté, exactement comme d'autres communautés. Elles vont bien et elles n'ont aucune dégradation. Vous ne vous êtes pas brossé les dents. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir la formation d'un biofilm dentaire, dont Ariane vient de parler un peu, et ce biofilm qu'on appelait autrefois plaque dentaire. Ce biofilm se développe, c'est disgracieux, vos dents deviennent mates, certaines fois vous avez un petit liseré blanc qui correspond à des milliers, milliers de colonies de bactéries, mais surtout, au niveau de l'espace entre la dent et la gencive. Là où Ariane vient d'expliquer qu'on aurait besoin d'un dentiste à la maison, eh bien, nous sommes dans une ambiance anaérobie. Et les bactéries anaérobies, comme Porphyromonas, vont trouver tout ce qu'il faut pour se développer. C'est-à-dire que le biofilm qui se met à la surface de la dent coupe complètement l'arrivée d'air et du coup ça crée un environnement complètement clos. Exactement. Donc là, on a les facteurs environnementaux avec les coéquipières de Porphyromonas gingivalis. On a l'anaérobiose en fond de la poche. On a un pH un petit peu acide. Tout ce qu'il faut pour que Porphyromonas gingivalis, d'une part, se développe, mais pire, manifeste ses facteurs de virulence. Parce que chez Porphyromonas, ce sont ces facteurs de virulence qui sont menaçants pour le parodonte, mais aussi au niveau de l'organisme en général. Et alors, question suivante, je pense que je peux dire aujourd'hui, maintenant qu'à 16h21, après 20 minutes d'émission, tous les auditeurs se sont au moins passés 7 fois la langue sur les dents, moi je viens de le faire 19 fois. Que se passe-t-il? Comment est-ce que Porphyromonas gingivalis attaque justement le parodonte, Ariane Berdal? Qu'est-ce qui se passe justement? C'est quoi ces facteurs de virulence? Alors, vous allez avoir en fait, je dirais globalement, entre maladies systémiques, maladies locales et maladies donc générales, vous allez avoir des phénomènes inflammatoires. Donc, il va y avoir une interaction entre le biofilm et pas seulement donc la bactérie en cause. Et donc, ça va instaurer un état d'inflammation où donc les cellules de défense qui essayent de lutter contre cette agression vont produire des cytokines. Ces cytokines vont produire une réponse locale, le recrutement des cellules immunitaires, il va y avoir donc tout un travail de site. Et un des mécanismes suspectés entre les maladies systémiques et les maladies locales sont justement un dépassement des capacités de défense de l'hôte d'un point de vue local. Et donc vous allez avoir un débordement et le déversement donc de cytokines inflammatoires dans la circulation sanguine qui vont alors générer et participer d'un phénomène inflammatoire. Qui commence au niveau de la gencive et qui ensuite va se répartir dans le reste du corps. Mais justement au niveau de la gencive, Martine Bonormalek, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que PG, que Porphyromonas gingivalis, attaque précisément la gencive? Et puis je crois qu'elle a quelques effets aussi précisément sur le blocage d'un certain nombre d'éléments de la réponse immunitaire. Absolument. Alors, les facteurs de virulence, on peut les citer rapidement, ce sont tout d'abord des facteurs d'adhérence avec des films brillés, des protéases dont on va reparler, qui sont les gingipaïnes, et trois autres facteurs un petit peu plus minoritaires dans leur action, c'est l'hémolysine, des vésicules extramembranaires et les LPS. Alors, vous avez prononcé gingipaïne, j'ai envie de savoir ce que c'est. L'hypopolysaccharide. Voilà, on peut comprendre dans le contexte. C'est ça. Excusez-moi. Non. Mais les gingipaïnes, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça va être important pour la suite. Les gingipaïnes, ce sont des protéases qui... Donc des protéases, on peut rappeler que ce sont des enzymes qui découpent les protéines. Voilà. C'est ça. Mmh. Et qui sont au nombre... Ces protéases sont au nombre de trois, les trois majoritaires. Mmh. Elles se nomment arginine gingipaïne ou lysine gingipaïne. Et ces protéines, protéases, elles sont assez extraordinaires car elles ont deux domaines différents, c'est-à-dire deux sites. D'un côté, elles coupent, ce sont des enzymes, et de l'autre côté, elles vont se lier à l'hémoglobine. Et c'est ainsi qu'elles vont être extrêmement redoutables pour la gencive. D'une part, elle coupe. Alors, qui dit couper? Eh bien, dit couper les collagènes, c'est-à-dire les tissus de la matrice extracellulaire présente dans la gencive, couper, voire les élastines, couper d'autres protéines, et ce qui va faire des aliments, des éléments nutritifs favorables, encore une fois, à la croissance de la bactérie. La bactérie synthétise ses protéases, les protéases détruisent le milieu extracellulaire et fournit les peptides nécessaires à la croissance bactérienne. On est vraiment dans un système un cercle où tout est fait pour que Porphyromonas gingivalis progresse. Alors, il faut savoir que ces protéases ont un rôle, bien sûr, donc vous l'avez compris, dans la nutrition de P. gingivalis, mais également dans le stress oxydatif, puisqu'ils vont, elle va permettre la colonisation des tissus, l'invasion tissulaire, et et également la dérégulation, on en a parlé un petit peu, du système immunitaire. Et c'est cette dérégulation du système immunitaire qui va entraîner l'inflammation. Inflammation, on dit gingivite, on a les gencives rouges, les gencives un petit peu édémaciées, elles ont augmenté de volume et parfois elles vont jusqu'au saignement. Ça, ce sont les premiers stades. Mais si on n'intervient pas, cette gingivite, avec ses bactéries, ses protéases, va pouvoir détruire les tissus sous-jacents, en particulier l'os alvéolaire. Il faut comprendre que l'os alvéolaire, c'est cet os dans lequel est enchâssée la dent par l'intermédiaire d'un petit ligament AMAC. Peu importe. Gardons l'idée de cet os alvéolaire dans lequel plonge notre racine dentaire. P. gingivalis, ses protéases, la communauté biofilme autour de cet ensemble, dans cet ensemble, détruit l'os. Et les patients qui sont atteints de parodontite... Ce qui est l'étape d'après de la gingivite, hein. C'est vraiment l'étape beaucoup plus grave. Si on ne fait rien après une gingivite, on aboutit à la parodontite. Eh bien, ces patients, on ne souffre pas beaucoup. Quelquefois, la gencive saigne, quelquefois, elle ne saigne pas. Et en fait, ils vont venir consulter le dentiste parce que la dent est mobile, en particulier les incisives inférieures. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'os alvéolaire qui entoure ses racines dentaires a été détruit par les bactéries et en particulier les produits de synthèse des bactéries et en particulier les protéases de gingivalis. Les fameuses gingipaïnes. Un dernier mot peut-être pour bien comprendre, et puis on va comprendre ensuite comment un certain nombre de produits de cette bactérie se retrouvent dans le système circulatoire et dans le reste du corps. Mais un dernier mot peut-être avec vous, Ariane Berdal, pour dire qu'on est inégaux devant P. gingivalis. Il y a des gens qui sont plus sensibles et qui vont développer des réactions plus rapides que d'autres. Effectivement, le clinicien se heurte à des formes dites réfractaires, c'est-à-dire que le patient donc a fait son adopte dentaire, il a appris son hygiène et il le fait très bien, il fait ses détartrages, il fait des surfaçages, donc c'est un patient très très parodontoconscient et certains effectivement sont très susceptibles. Donc il y a effectivement une inégalité. Alors les facteurs sont des facteurs assez complexes. Il va y avoir les facteurs bien sûr, on recherche dans la génétique et on va retrouver en fait un peu tous les gènes qui, vous savez, ont des polymorphismes, donc des formes différentes. Et donc, ces gènes impliqués dans le processus inflammatoire et tout le processus de dégradation que vient de vous évoquer Martine, vont avoir des allèles plus ou moins performants. Donc, en fait, on va avoir effectivement des patients très inégaux. Et puis, bien sûr, il y a le mode de vie. Et donc, on n'a pas beaucoup évoqué l'alimentation. Et comme vous l'a dit tout à l'heure Martine, finalement, moi je dis souvent aux étudiants, la cavité buccale est une étuve extraordinaire. Nous avons là, finalement, modélisation d'un incubateur à bactéries avec toutes les conditions variables, anaérobie, aérobie, etc. Et donc, en fait, évidemment, la porte d'entrée des premiers nutriments des bactéries, c'est notre alimentation. Et donc, effectivement, des rythmes non contrôlés d'apport alimentaire font qu'on va modifier la communauté bactérienne qui profite de ce que l'on mange. Le microbiote. Et donc, il va y avoir une interaction hôte génétique, enfin génétique environnement. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Quel dentiste son état et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe. Henri Salvador, blues du dentiste à 16h30 dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons bien de santé bucco-dentaire et pas que, on parle d'une bactérie P. gingivalis dont on va retrouver un certain nombre de produits de dégradation impliqués dans, ou en tout cas que l'on retrouve dans d'autres formes de pathologies. L'implication, on le disait tout à l'heure, c'est encore à l'étude. On en parle avec Martine Bonnor-Mallet qui est professeure des universités en sciences biologiques à l'UFR odontologie de l'université de Rennes et enseignante-chercheuse à l'INSERM, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes, et avec Ariane Berdal, qui est doyenne de l'UFR d'odontologie garancière, rattachée à l'Université de Paris, et directrice de recherche INSERM au Centre de Recherche des Cordeliers à Paris. Alors, je le disais, un P. gingivalis apparaît dans un certain nombre de pathologies. On va parler de la maladie d'Alzheimer dans un instant. C'est une piste de recherche assez innovante et assez passionnante. Mais il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer ou les maladies cardiovasculaires. Il y a également certaines formes de rhumatisme inflammatoire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendue à la faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Paris-Descartes à Montrouge pour comprendre les travaux qui étudient ce lien. Oui, P. gingivalis pourrait causer des maladies rhumatismales via la parodontite. Marjolaine Gosset est médecin et chercheuse à Paris-Descartes, et avec Jérôme Bouchet de l'équipe pathologie, imagerie et biothérapie orofaciale, ils étudient sur des souris la perte osseuse induite par P. gingivalis. Alors concrètement, ils injectent la bactérie dans la gencive de l'animal, ils analysent la destruction des tissus sur plusieurs semaines. Ces données permettent alors de comprendre comment la bactérie évolue et aboutit à d'autres pathologies. Il y a énormément de travaux qui montrent que la parodontite, avec la spécificité de Porphyromonas gingivalis, sera un facteur de risque de l'initiation de la polyarthrite rhumatoïde avec des anticorps antiprotéines citrullinées. Moi, je travaille beaucoup en clinique avec les patients atteints sur ces pathologies-là. Alors, quel type d'expérimentation vous menez ici en laboratoire ? Alors, on utilise plusieurs modèles. On a évidemment des modèles animaux de parodontite et on a également des modèles cellulaires, des cellules primaires issues de souris, qui nous permettent d'étudier en fait les mécanismes intracellulaires de l'infection par Porphyromonas gingivalis. En fait, voilà. L'objectif global de nos travaux expérimentaux, c'est d'étudier la spécificité du remodelage de l'os de la mâchoire. On veut voir, dans des modèles de parodontite, qu'est-ce qui est dérégulé et pourquoi, et notamment le rôle de PG dans tout ça. Là, on est dans une salle où on cultive spécifiquement le Porphyromonas gingivalis, qu'on pourra prélever pour après soit les utiliser au niveau du modèle murin, soit les placer au niveau des cellules et regarder sur la bactérie ou une bactérie morte, ce qui va avoir comme conséquence au niveau de la culture cellulaire. Donc là, on a des microtomes. C'est-à-dire ? Alors, les microtomes sont des instruments qui nous permettent de réaliser des coupes extrêmement fines de tissus animaux, en particulier de l'ordre de 5 micromètres d'épaisseur, ce qui nous permet de faire des analyses des animaux, de l'infection et du niveau d'inflammation locale. Après, on a le micro-CT. Le micro-CT, c'est ce qui permet l'expérimentation, enfin l'imagerie du petit animal vivant pour pouvoir analyser la perte osseuse. C'est comme un scanner pour l'humain, mais en plus petit pour le petit animal. Et donc ça, on fait partie de la plateforme d'imagerie du vivant de Paris-Descartes, du petit animal. Et donc, on a cette opportunité de pouvoir suivre au fur et à mesure la perte osseuse chez nos animaux et donc de valider la destruction qu'on induit. Là, on est dans une pièce de culture assez classique, donc avec des incubateurs et des hôtes qui permettent de cultiver nos cellules de manière stérile. Pour comprendre les mécanismes moléculaires au niveau de la cellule, qui sont détournés par l'infection ou par P. gingivalis, et de comprendre comment les ostéoblastes et les ostéoclastes sont détournés, les mécanismes de ces cellules sont détournés. Il y a deux grands types de modèles qui existent. Il y a un modèle qu'on appelle vraiment de dysbiose, dans lequel on va introduire le Porphyromonas gingivalis en faisant des écouvillages en permanence dans la bouche pour qu'il y ait beaucoup de PG et qu'il s'implante dans la flore et qu'il fasse la dysbiose. Alors ça va vraiment être deux fois à trois fois par semaine sur plusieurs semaines. Et d'autres modèles qui vont être juste plus irritants, où on va induire une petite ligature, un petit fil entre la gencive et la dent, au niveau du parodonte, imprégné de PG, et qu'on va devoir renouveler aussi deux fois par semaine pendant quatre semaines pour avoir une perte. On va vous montrer la salle d'expérimentation. Donc on arrive devant la salle de la pièce chirurgicale où on réalise nos modèles d'expérimentation animale. Alors on va rentrer. Cette salle en fait est adossée à l'animalerie, ce qui nous permet d'avoir nos animaux juste à côté. Et ici c'est la partie expérimentation animale où on a des loupes binoculaires avec des lumières. On a des plaques chauffantes pour garder nos animaux après l'anesthésie sur plaques chauffantes pour pouvoir s'assurer qu'ils soient à 37 degrés, qu'ils se réveillent bien, avec une salle vraiment de réveil qui leur est dédiée. Donc vraiment on s'organise ici. Il fait très frais dans cette pièce. Oui, il fait frais. C'est tout est climatisé pour la reproduction animale et le bien-être animal et également pouvoir avoir une harmonie au niveau des expériences. Donc vraiment, on va accueillir nos animaux dans le local d'anesthésie. À leur réveil, on va suivre l'animal tous les jours en fait pendant la durée pour s'assurer que tout va bien. Et la perte va être mesurée par la technique d'imagerie qu'on a vue en bas qui permet de s'assurer que le niveau osseux de base qu'on avait va effectivement se détruire au fur et à mesure. Alors là, on va vous présenter quelques images. Là, on a des coupes histologiques qui sont issues des mêmes animaux. On retrouve la dent avec sa pulpe dentaire et autour tous les tissus de soutien de la dent, donc le parodonte, avec l'os alvéolaire qui nous intéresse particulièrement. Et au-dessus, le tissu gingival, tissu conjonctif et tissu épithélial au-dessus, et le système d'attache entre la dent et la gencive. Exactement. Donc, au cours de l'expérience, grâce au microscanner, on peut mesurer le niveau de résorption osseuse. Comme vous pouvez voir ici, entre le jour 0, c'est-à-dire avant l'expérience, et le jour 28, on a pu mesurer une résorption osseuse assez importante au niveau de l'os alvéolaire. Donc là, on peut dire qu'il y a 10% exactement. De masse qui a été... Exactement. Exactement, on peut dire, on peut quantifier la quantité qui a été perdue chez l'animal et le comparer entre un animal white type et un animal KO et dire, par exemple, le KO perd plus ou moins que le white type. Et donc, cette protéine semble être importante dans la maladie parodontale. Voilà, des recherches passionnantes sur ces liens entre P. gingivalis et en l'occurrence des mécanismes et certaines formes de rhumatisme inflammatoire. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre, Martine Bonnormalet. Oui, tout à fait. Ce mécanisme est vraiment très très intéressant parce que justement dans la polyarthrite, c'est un mécanisme assez original avec la citruline de PG dont on aurait pu parler également. Dans d'autres pathologies, ce sont d'autres mécanismes qui sont évoqués. On va parler peut-être tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer ou dans de la pathologie instant. Cardiovasculaire. Oui. Mais si on comprend quand même bien au départ, c'est bien cette maladie parodontale qui est un challenge microbien et qui entraîne une dysbiose et dont la bactérie phare que l'on pense être phare aujourd'hui est Porphyromonas gingivalis avec sa batterie de facteurs de virulence dont les gingipaïnes. Ariane Berdal sur le reportage. Écoutez, je suis ravie que vous mettiez en avant toute la recherche expérimentale parce que, comme l'a évoqué Martine tout à l'heure, tout ce dont nous débattons, ce sont des études cliniques qui rapportent un fait à un autre, une maladie générale, une maladie parodontale. Et donc, la période aujourd'hui est exactement celle qu'on vient d'entendre de l'équipe de Marjolaine Gosset. Pourquoi ? Parce que ces modèles donc doivent être validés et vont servir justement à toute l'exploration des maladies systémiques. C'est-à-dire on va donc avoir un expert cardiovasculaire qui va travailler avec un expert en physiopathologie orale. Il faut le modèle animal pour pouvoir décortiquer tous les mécanismes. Donc je dirais qu'on est à l'ère aujourd'hui de l'interaction pluridisciplinaire autour de ces maladies pour effectivement, comme on l'a évoqué, dans chaque tissu, avoir un modèle animal, un modèle cellulaire, des études cliniques Et après des essais cliniques, quand on est très optimiste, ce qui est effectivement le cas pour certaines pistes de l'Alzheimer, et ce qui n'est pas un jugement. Hein. Bien sûr, absolument pas. Le chercheur doit être optimiste. Mmh. Et donc, effectivement, je pense qu'il est très important que vous ayez mis en avant l'investissement nécessaire dans des travaux de fond, des travaux d'amont, à l'échelle cellulaire et à l'échelle expérimentale chez l'animal. Alors on va justement parler de ce lien et des travaux de recherche peut-être les plus intéressants ces dernières années autour de la maladie d'Alzheimer, dont, comme je le disais en début d'émission, on sait que c'est pour beaucoup un cul-de-sac en termes de recherche pharmacologique, qu'on n'aboutit à rien, que les essais cliniques ne dépassent rarement le stade 1 ou 2. Et puis, eh bien, l'année dernière, il y a cette voie qui semble pour le moment relativement confirmée par les études et les premiers essais, un lien entre P. gingivalis et donc la maladie d'Alzheimer. De quoi parle-t-on exactement, Martine Bonnor-Mallet? Que dit la littérature scientifique et les études qui ont pu être menées jusqu'à présent? Alors, là c'est pareil, hein, il faut bien comprendre qu'il y a des facteurs confondants. Il y a la maladie d'Alzheimer, il y a l'absence de brossage de dents, il y a beaucoup de facteurs génétiques. Pourquoi pas? Comment la maladie parodontale, ça c'est une question qu'il faudra trancher. Et il y a aussi l'environnement. Et les environnements qui sont étudiés à la fois autour de la maladie d'Alzheimer et autour de la maladie parodontale, ils sont extrêmement variés. On pourrait signaler un tas de choses. Par contre, on voit de plus en plus de littérature sur les métaux. Est-ce que les métaux qui interviennent dans la maladie parodontale, qui interviennent dans ces maladies neurodégénératives, ne feraient pas partie d'une hypothèse d'étiologie? Point d'interrogation. Ce que l'on sait aujourd'hui, et l'étude, la dernière étude que vous mentionnez l'a bien montré, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, on a une activité au niveau de la microglie, ça c'est extrêmement bien connu, avec une réponse inflammatoire de l'hôte, avec la batterie de cytokines qu'on connaît. Et la microglie, je rappelle juste un instant pour nos auditeurs, la microglie, ce sont les autres cellules du cerveau qui ne sont pas les neurones et qui ont évidemment, qui sont impactées par les plaques amyloïdes, par les plaques de protéines bêta-amyloïdes qui dégradent les neurones. Voilà, pour le dire rapidement, sous votre contrôle, bien entendu. Tout à fait ça. Parfait. Donc, les cytokines, c'est toujours les interleukines 1-bêta, par exemple, l'interleukine 6, les TNF-alpha, avec la CRP. Voilà. Et là, cette batterie, cette kyrielle de cytokines va entraîner un dépôt de tissus amyloïdes avec aussi des transformations de la protéine, des protéines en particulier de la protéine Tau. Et on sait, et là c'est la démonstration de l'article, que dans la maladie parodontale, Madame Berdal l'a dit tout à l'heure, Ariane l'a dit tout à l'heure, on a aussi une réponse inflammatoire avec les mêmes cytokines et on a une dégradation de la matrice, en particulier pour nous, l'os alvéolaire. Mmh. Et on se pose la question, si la réponse inflammatoire induite par les bactéries dans la maladie parodontale ne vont pas accroître l'activité des cytokines qui sont produites dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que finalement, ce seraient des facteurs que je pourrais pratiquement dire des facteurs aggravants. Ariane Berdal, votre point de vue sur cette littérature et ses liens entre la maladie d'Alzheimer, je crois que pour compléter ce que vient de dire Martine Bonnor-Mallet, l'une des études montre la présence donc de gingipaïne en concentration anormale justement dans le cerveau et qui pourrait effectivement, comme elle vient de le dire, être un facteur aggravant dans l'accumulation de ces peptides bêta-amyloïdes qui finissent par créer les plaques qui dégradent notamment la région de l'hippocampe dans le cerveau. Effectivement, donc ces travaux donc sont une recherche expérimentale de l'Université d'Illinois et puis ça a produit, et c'est souvent le cas quand c'est intéressant, une association avec une entreprise, Cortexim, qui a donc un inhibiteur, hein, Core 388, et donc ils ont testé cet inhibiteur dans le modèle animal. Ils ont donc commencé à faire une première étude, enfin deux premières études cliniques pour montrer qu'il y avait une innocuité, hein, c'est la fameuse phase 1A, 1B. Et donc on attend avec impatience leur étude, qu'ils ont appelée GAIN, ils sont, voilà, qui donc démarré cette année et qui terminera en fin 2021. C'est ça. Et donc là, ce sera vraiment un essai avec des cohortes de patients atteints de maladie d'Alzheimer, puisque dans le premier papier clinique, il n'y a quand même que 4 cas rapportés, puisque le premier élément, c'est de démontrer que le facteur n'est pas plus nocif que bénéfique. Donc en fait, comme toujours, dans cette transition entre les modèles animaux qui sont d'une simplicité modélistique et la situation clinique, comme on l'a évoqué avec tous ces paramètres environnementaux, etc., eh bien là, on va avoir la vérité de cette cohorte. Et peut-être qu'il faudra encore une autre étude, parce que parfois dans certaines études cliniques, le ciblage des phases n'est pas suffisant. Donc effectivement, ça rentre dans la gamme des études que vous avez évoquées, qui ont un petit peu déçu les neurologues. Dans les essais précédents contre l'amyloïde. Contre l'hypothèse amyloïde. L'hypothèse amyloïde générale, donc voilà. De l'Alzheimer. Voilà. Voilà où on en est. Il faut attendre un peu et être à la fois impatient et patient. Ce qui est intéressant pour essayer de résumer à grands traits, je parle sous votre contrôle à l'une et à l'autre, c'est que, donc on sait bien sûr que ces maladies neurodégénératives sont multifactorielles, qu'il y a des sensibilités génétiques qui ne sont pas des déclencheurs, qu'on cherche et que la communauté scientifique et neurologique cherche depuis longtemps ce qui serait une porte d'entrée. Or là, évidemment, d'un seul coup, on se dit que peut-être que PG, peut-être que Porphyromonas gingivalis serait peut-être éventuellement la porte d'entrée autour de laquelle les neurologues tournent depuis plusieurs années. Qu'en pensez-vous, Martine Bonnard-Mollet? Ça vous paraît être une hypothèse intéressante? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait intéressant et c'est vrai que ça peut être une piste, mais faut bien, si je me permets de préciser, Porphyromonas gingivalis dans un environnement qui lui va bien. Il faut pas qu'on imagine que parce qu'on a Porphyromonas gingivalis dans la cavité buccale, on l'a tous. Je le répète, on va tous avoir une maladie d'Alzheimer. Loin s'en faut. Il faut vraiment qu'il y ait des conditions spécifiques, et c'est la raison pour laquelle on parle de lien et non pas de cause avérée. Mais ça pourrait rester un facteur aggravant. On parle de la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres liens qui sont des liens identifiés, que l'on entendait d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage, notamment un lien, Ariane Berdal, avec des maladies coronariennes, ou en tout cas avec des problèmes cardiaques. Quel serait le lien, là, une fois de plus, entre une infection de la sphère bucco-dentaire et des problèmes cardiovasculaires? Alors là, ce sont des études qui sont un petit peu plus anciennes, on a plus de données. Ça a commencé effectivement avec des gros papiers cliniques, avec des New England. Et puis les gens se sont intéressés depuis plus longtemps sur les mécanismes. Et c'est là qu'on voit ce que j'avais essayé de vous proposer. Il y a le mécanisme via le processus inflammatoire. Donc on pourrait dire presque que c'est indirect, ça passe par voie systémique. Et puis il y a le processus des bactéries, du microbiote, qui va interagir directement avec le tissu cible. Donc là, par exemple, la plaque d'athérome. Donc, alors la plaque d'athérome, vous nous rappelez ce que c'est en un mot? La plaque d'athérome, c'est ce qui, dans les maladies cardiovasculaires, va finir par oblitérer les vaisseaux sanguins, et qui donc va aussi pouvoir éclater, donc être à l'origine des pathologies cardiovasculaires. Donc dans l'histoire d'un athérome, il va y avoir les étapes initiales, il y a un processus de progression, et en fait, il semblerait, par des études expérimentales, que la maladie parodontale, de façon globale, hein, je n'entrerai pas dans les mécanismes moléculaires, intervienne à la fois dans la phase d'initiation, c'est-à-dire quand l'endothélium peut avoir un facteur athéromato, l'intérieur des vaisseaux sanguins. L'intérieur, la paroi va être en fait un peu permissive. Et la deuxième étape, c'est au moment de la rupture de la plaque d'athérome. Donc on voit, comme on l'a dit tout à l'heure... Au moment d'accident vasculaire. Voilà. Si vous avez des maladies qui sont tellement plurifactorielles que finalement, le paramètre buccal au sens large va intervenir comme un facteur, on va dire peut-être, de comorbidité, plutôt comme quand l'a évoqué Martine, comme un facteur causal. On n'est pas dans une partie de billard exactement, ou alors si, la partie de billard où il y a plusieurs boules qui vont dans dans directions différentes. Tirées par des joueurs différents. Il faut bien être prudent et ne pas transmettre aux personnes qui nous écoutent que parce que effectivement j'ai un peu de plaque bactérienne ce matin sur mon incisive centrale, je vais être malade et avoir un Alzheimer. Bien entendu, on a pris toutes les précautions nécessaires, je l'espère, pour que les auditeurs ne comprennent pas cela, loin s'en faut. Martine Bonnard-Mallet, à Rennes, il y a une importante étude que vous menez avec l'hôpital Bichat, une étude IVASC justement sur ces facteurs de comorbidité avec des pathologies cardiovasculaires. Nous avons la chance, nous Rennais, d'être partenaire de l'étude IVASC presque du professeur Steig à Bichat. Et cette étude, parmi bien sûr multiples objectifs, elle a un objectif, c'est de voir quel est le taux de récidive d'infarctus après un traitement parodontal. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, bon, on dit PG, biofilm, maladie parodontale, maladie à distance. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est si on traite la maladie, est-ce qu'on évite la récidive ou est-ce qu'on diminue la maladie? Est-ce qu'on a des scores inflammatoires qui sont inférieurs? Par exemple, la CRP qu'on dose assez facilement. CRP, pardon. En d'autres termes, c'est est-ce que le traitement de la maladie parodontale va avoir un bénéfice sur la maladie dans laquelle elle serait impliquée? Est-ce qu'on a des éléments de réponse, justement, puisque c'est... Alors, jusqu'à date, non, parce que nous sommes, bien sûr, à inclure. Vous savez, la recherche clinique, c'est quelque chose, chez l'homme, c'est quelque chose de très long, de fastidieux. Et quant à l'équipe de Rennes, nous aurons à étudier les microbiotes des patients qui ont été atteints d'infarctus et de les suivre. On aura deux groupes. Un groupe de patients qui ne sera pas pris en charge pour sa maladie dentaire pour des raisons parce qu'il ne le veut pas, et des patients qui seront suivis sur le plan dentaire, et on re-regardera leur microbiote à la fin, c'est-à-dire au bout de un an. Et on comparera ces microbiotes pour voir qu'est-ce qui a changé. L'idée est vraiment de définir quel est l'impact de la prise en charge thérapeutique. Car si on met en évidence que la thérapeutique a un rôle, a un bénéfice réel dans la maladie générale, eh bien là, on pourra se dire que la maladie parodontale était réellement impliquée. Et là, on parle de comorbidité. C'est ça. Ariane Berdal, du coup, effectivement, on entend bien que toutes ces études montrent qu'il y a des corrélations. Une fois de plus, corrélation n'est pas cause ou conséquentialité, loin s'en faut. Et elles vont aussi dans le sens d'un certain nombre d'études qui pointent de plus en plus des problèmes d'inflammation. On parle d'inflammation à bas bruit qui se produit et qui pourrait là aussi être un facteur aggravant d'un certain nombre de pathologies qui sont aussi vastes et aussi distinctes que des pathologies cardiovasculaires, le diabète ou même la dépression. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que on sait, est-ce qu'on commence à avoir des indices pour dire qu'il faut se soucier plus, qu'il faut juste traiter de façon prophylactique classique la sphère bucco-dentaire, c'est-à-dire faire vraiment plus attention à la façon dont on se brosse les dents, à aller plus souvent se faire détartrer, etc. Est-ce qu'on peut déjà dire que ça aura une influence, ou est-ce que pour le moment on n'a aucun moyen concret pour dire qu'on peut agir en amont du développement de ces pathologies de comorbidité? Je vous dirais que globalement, ce qui est évident, c'est que une maladie parodontale en évolution n'est pas un élément positif. On l'a évoqué off tous les deux. La surface inflammatoire d'une maladie parodontale évolutive franche, c'est la surface d'un avant-bras. Est-ce qu'on peut imaginer que vous restiez avec une surface d'avant-bras en ce processus inflammatoire sans réagir? En fait, le problème, comme l'a évoqué Martine tout à l'heure, c'est que c'est un phénomène à bas bruit. Donc j'ai envie de vous dire en fait qu'il faut voir la santé orale comme un miroir de la santé générale. J'avais fait en tout début de mes études une étude d'épidémiologie sur des patients en gériatrie. Ce que je peux vous affirmer, c'est que quand on voyait les patients, à savoir leur cavité buccale, on arrivait à faire le pronostic vital. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a vraiment intuitivement, empiriquement, cliniquement, un miroir, la cavité buccale. On a fait un numéro spécial à l'INSERM, parce que là, vous évoquez le microbiote, qui est effectivement une ligne de force, et l'inflammation vraiment majeure. Vous avez aussi, par exemple, le problème des pollutions environnementales, où la dent est un reflet de ces pollutions environnementales et un traceur. Vous avez les maladies génétiques. Donc, en fait, je pense que dans la cavité buccale, vous avez un résumé de la santé générale. Ce qui veut dire que la prudence basique pour n'importe quel individu, c'est de se dire qu'une cavité orale en bonne santé, c'est positif. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas besoin de faire un essai thérapeutique randomisé aujourd'hui pour affirmer sereinement qu'une cavité buccale saine est la garantie d'une santé générale. C'est trop prendre de risques. Bon, c'est comme conduire sans ceinture de sécurité. Martine Bonormalet, un mot de conclusion, justement. Ça veut dire qu'il faut, aujourd'hui, on commence à se rendre compte, à réaliser que l'importance, justement, de ce que vient de dire Ariane Berda, c'est-à-dire l'importance de notre santé parodontale sur le reste de notre état de santé général. Oui, tout à fait. Il y a bien évidemment la santé buccale est un miroir de la santé générale. Ça c'est une évidence. Se brosser les dents, on n'a pas appris nécessairement comment bien se brosser les dents. Les chirurgiens dentistes peuvent apprendre à se brosser les dents et une hygiène minutieuse répétée évite certainement des problèmes à distance. Peut-être nous n'avons pas besoin de grandes recherches cliniques pour démontrer si le traitement guérit ou pas, mais au moins ça nous confirmerait les étiologies, les étiopathologies. On a parlé bien évidemment de génétique, on a parlé de dysbiose, de bactériologie, on a parlé d'immunologie, mais il y a peut-être aussi d'autres pistes. Je conclurai en disant que ce qu'il y a d'assez fascinant dans ces liens que l'on trouve aujourd'hui ou qu'on explore, que nous sommes à explorer entre maladies parodontales et maladies générales, eh bien, c'est qu'à chaque fois, on trouve un mécanisme différent. Et si on regarde sur le plan cardiovasculaire, ce sont les plaques d'athérome. On parlait tout à l'heure de la microglie avec les protéines d'eau, les plaques amyloïdes. Et je citerai un dernier exemple qui est un exemple que j'apprécie beaucoup parce qu'il est breton. Vous avez compris que Rennes, Bretagne, breton. Eh bien, c'est l'hémochromatose. Nous venons de démontrer très récemment que dans l'hémochromatose, qui est une maladie bretonne, il y a une forte prévalence. Vous pouvez nous rappeler en deux mots ce que c'est que l'hémochromatose pour les auditeurs ? Alors, l'hémochromatose, c'est une maladie qui est une maladie génétique. Elle est causée par la mutation d'un gène, le gène HFE, peu importe, et qui entraîne la déficience de l'hepcidine et qui a pour conséquence une surcharge en fer. Je vais repartir sur gingivalis. En deux mots, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Oui, eh bien, gingivalis, il a besoin de fer pour croître. Eh bien, dans l'hémochromatose, il a son fer disponible dans les gencives de patients. Et les patients qui sont atteints d'hémochromatose ont facilement des parodontites, et en particulier des parodontites sévères. Voilà ce que je dirais pour terminer. Donc, vous voyez, à chaque fois, des mécanismes quand même, somme toute, différents selon les pathologies et selon les organes cibles. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ce microbiome bucco-dentaire et de cette bactérie P. gingivalis. Merci Ariane Berdal, merci Martine Bonormalet, merci également à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui se lave bien les dents, je vous le confirme. Ève Etienne, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Laurie Vachon à la technique. Demain, nous allons remonter l'histoire de l'univers jusqu'à la formation des toutes premières galaxies qui sont aujourd'hui devenues des galaxies d'un genre particulier sans plus aucune nucléosynthèse. On vous parle des galaxies noires demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.